la tête plongée dans l'aquarium. Je regarde le petit bonhomme. On ne sait pas s'il est jeune ou vieux. Dans sa combinaison bleue, il est le jouet du poisson rouge qui pousse jusqu'à ce qu'il bouge. Scaphandrier n'a pas trouvé le trésor qui est flanqué. Y aurait-il l'amour d'une sirène pour lui faire oublier sa peine? Il suivrait le chant de sa belle, de cette musique qui l'ensorcelle. Que cherche-t-il au fond l'océan, avec le poisson rouge géant? Qu'a-t-il dans sa boîte argentée? Que se passerait-il s'il l'ouvrait? Prisonnier de sa cage, sa vie reste un mystère. Il n'a pas un navire qui l'attend et reste figé dans le temps. Y aurait-il l'amour d'une sirène pour lui faire oublier sa peine? Il suivrait le chant de sa belle, de cette musique qui l'ensorcelle. Il suivrait le chant de sa belle,